Oui, alors vous écoutez Futur Simple sur les ondes de CKRL. Et pour cette dernière chronique, nous accueillons Jean-Daniel Doucet, notre chroniqueur 100% chimique, qui clôture cette saison de Futur Simple avec la chimie du barbecue. Alors, de quoi nous donner des idées pour le souper, nous, en fait, et, oui, pour nos papilles gustatives. C'est ça. C'est la dernière chronique de la saison. Il fait chaud, relativement beau si je me fais ce que je vois dehors présentement sur la 3e avenue. Alors, de quoi de mieux pour commencer les vacances qu'un barbecue avec des amis? C'est rassembleur, ça fait appel à notre côté viril ancestral, quasiment ancré dans nos gènes, et puis ça goûte bon. Mais ce qu'on sait pas, c'est que l'expert du barbecue, c'est non seulement l'homme viril par excellence, mais c'est aussi un chimiste sophistiqué. Comme c'est le cas, par exemple, de Kent Kirschenbaum, un professeur de biochimie à l'Université de New York, qui a étudié la question avec beaucoup de sérieux. Tu sais que c'est un nom tout à fait approprié et saisonnier, parce que Kirschenbaum, en fait, en français, c'est un nom allemand qui veut dire cerisier. Ah, ben, et les cerisiers sont en fleurs. Absolument, on a une chronique sur les petits fruits, d'ailleurs, aujourd'hui. Mais on va se concentrer sur quelque chose de plus viandeux, disons, avec le barbecue. Alors, qu'est-ce qui se passe, Jean-Daniel, sur le barbecue pour que ça goûte? Oui, donc, vous l'aurez deviné, ben, ce sont des réactions chimique à la surface de la viande qui donne le goût alléchant du barbecue. D'abord, il n'y a pas de fumée sans feu, hein, François. Donc, la première chose qui donne le goût à la viande, c'est la production de fumée lorsqu'il y a la combustion. Ouais. Donc, la lignine, par exemple, qu'on retrouve dans le bois, c'est le principal composant du bois, d'ailleurs, elle va se pyrolyser. Donc, ça veut dire se décomposer avec la chaleur. Ouais. Et ça va générer des centaines de produits chimiques. Donc, à très haute température, on produit toutes sortes de molécules, comme des phénols ou des eugénols. Les eugénols, ça vous dit peut-être quelque chose. C'est une famille de molécules qui, entre autres, donne le goût aux clous de girofle, par exemple. Oui. Donc, cette fumée-là va pénétrer dans la viande et certaines des molécules vont y rester. Évidemment, il y a différents combustibles qui vont donner différents goûts. Dépendamment si vous utilisez du propane, du charbon ou du bois à la maison, on va obtenir différentes saveurs dans notre viande, évidemment. C'est ça. Il y a des combustibles qu'on doit éviter, comme par exemple le diesel ou le coal tar. Oui, effectivement. Donc ça goûterait peut-être un peu le pétrole. Il y aurait probablement un goût de pétrole qui apparaîtrait, et ça, effectivement, on c'est le veut ça. Pas. Mais le feu, en fait, ça produit de la fumée, mais ça produit, ça cuit aussi la viande. Alors, il doit y avoir toutes sortes de réactions chimiques. Oui, il y a toutes sortes de réactions chimiques. Hein? Par exemple, la plus connue qui sert à donner le goût à la viande sur le barbecue, c'est la réaction de Maillard. Okay. C'est en fait la réaction de brunissement de la viande à la surface de la viande. C'est aussi elle qui va donner la saveur à la viande sur le barbecue. C'est une réaction qui a été découverte dans les années 1910 par Louis-Camille de Maillard. Étrangement, ce scientifique-là, il cherchait à reproduire la synthèse des protéines. Donc, son but, c'est un peu de produire en laboratoire pour des protéines pour pouvoir nourrir directement les gens. Ben lui, ce qu'il a découvert, c'est le contraire. Donc, il a découvert une réaction qui détruisait les protéines, si on veut, mais qui donnait, à partir des protéines détruites ou transformées, le goût à la viande. Parce que la réaction de Maillard, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une réaction entre un acide aminé, donc l'élément de base d'une protéine, et un sucre. Donc, les deux combinés vont donner des composés qui sont bruns et qui ont évidemment un goût de barbecue. OK. Et est-ce que c'est ça qu'on appelle le phénomène de la caramélisation? Pas tout à fait. La caramélisation, c'est la réaction chimique de deux sucres ensemble. Ah, OK. Et ça va donner le goût, effectivement, au caramel, comme le nom dit. Mais c'est moins important là, dans ce qui a trait à la cuisson de la viande sur le barbecue. Et à quoi est due, en fait, cette réaction de Maillard? Mais c'est une réaction qui va être favorisée notamment à haute température et à faible humidité. Donc, dans le barbecue. Les conditions, c'est ce qu'on trouve dans le barbecue. Exactement. Elle va aussi préférer cette réaction-là, une faible acidité ou un pH plus élevé, si on veut. Donc, un petit truc ici. Quand on fait cuire la viande sur le barbecue, il faut pas nécessairement avoir trop de marinade dans notre viande. Oui. Parce que les marinades sont acides. Exact. Ou du moins, il faut pas qu'elles soient trop acides. Donc, bien sûr, le pH acide des marinades et les enzymes qu'on y retrouve à l'intérieur, ça va servir, mais en amont, en préparation de la viande, où là, on va dégrader les protéines, on va commencer à donner une texture qui est plus tendre à la viande, mais ça avant la cuisson. Donc, pendant la cuisson, on veut moins ça. Et est-ce que tu as des exemples de molécules que produit cette réaction? Ben, les deux principales molécules qui sont produites par la réaction de Maillard, ce sont les diméthylpyrazines et les mélanoïdines. OK. Exercice de diction un peu ici. Oui. En gros, ce sont ces familles de molécules là qui donnent le goût et l'apparence brûlée à nos aliments. Autant sur le barbecue que dans d'autres aliments, hein, vos rôtis le matin et votre café par exemple. Donc le grillé qui apparaît sur les rôtis ou le goût malté là un peu amer là, du café. Donc ça va être dû à la réaction de Maillard qui va produire ce genre de molécules là. La bière noire que vous allez prendre le soir venant de travailler, encore là son goût plus caramélisé, si on veut, ou plus brûlé, à la limite, va être dû à la réaction de Maillard. Et puis, c'est la même chose pour le chocolat que vous allez prendre en dessert, en fin de soirée, par exemple. Donc, chaque aliment va être chauffé, qui est chauffé à haute température, a son propre profil de molécules qui va être produite par la réaction de Maillard, donc entre un acide aminé et un sucre. Il y a plusieurs de ces molécules-là produites qui vont appartenir aux deux groupes de familles qu'on vient de mentionner, donc les diméthylpyrazines et les mélanoïdines. On a entendu parler aussi des molécules dangereuses produites sur le barbecue, en fait, depuis plusieurs années. Certaines personnes préfèrent même se détourner du barbecue. En fait, qu'est-ce qu'il en est de tout ça? Oui, absolument. Donc, la cuisson sur la barbecue, il faut savoir que ça devrait se faire normalement à environ 150 et 170 degrés Celsius avec une chaleur irradiante. On veut pas brûler littéralement la nourriture, on veut pas y aller avec des flammes intenses qui vont aller lécher la viande. Faut savoir qu'au-dessus de 180 degrés Celsius, il y a des molécules toxiques qui vont être produites. On parle ici, entre autres, d'amines hétérocycliques ou d'aromatiques polycycliques, les HAP. Il y en a peut-être qui ont déjà entendu parler de ça. Oui, ben en fait, le naphtalène en est un exemple. Hein. Probablement, oui, effectivement. Donc, ce sont des molécules qui vont être produites. En clair, ce qu'elles font, par exemple, le plus connu des HAP, c'est le benzopyrène. C'est peut-être une autre molécule que les gens ont entendu parler. Mais ce qu'elles font, de quoi elles ont l'air, ce sont des grosses molécules qui sont hydrophobes. Oui. Ça veut dire qu'elles aiment pas l'eau. Donc, ils vont chercher à se cacher de l'eau. Et pour ce faire, elles vont aller se cacher dans l'ADN, si on veut. Ce qui, encore jusque-là, pas très mal. En fait, le problème, c'est que pour se débarrasser de ces grosses molécules-là, on doit passer par le foie où elles vont être modifiées. Et ces modifications-là dans le foie vont permettre de se débarrasser des toxines, oui, mais ça va aussi les rendre plus réactives. Donc, quand elles vont retourner se cacher dans l'ADN, elles vont réagir avec l'ADN et elles vont engendrer toutes sortes de mutations dont les conséquences, on sait, peuvent aller à la longue jusqu'au cancer. Et quelles sont les solutions pour éviter ces produits toxiques et pour profiter quand même du barbecue? Est-ce qu'il y en a? Oui, absolument. On ne dit pas ici d'arrêter de manger du barbecue, ça serait un sacrilège. Et on sait que les gens qui mangent leur viande bien cuite, eux vont avoir plus de chances de développer certains cancers. Mm-hmm. Mais la quantité dangereuse, si on veut, est pas nécessairement très très claire. Alors ce qu'on fait, il y a plusieurs recommandations. D'abord, il faut éviter de dépasser la température de 180 degrés Celsius dont on parlait tout à l'heure. Et il faut pas non plus cuire trop longtemps les aliments. Donc, si on est trop chaud, si on cuit trop longtemps, on a apparition des molécules qui sont dangereuses et qui sont toxiques. De toute façon, l'intérieur de la viande, c'est stérile. Donc, il n'y a pas de bactéries dangereuses à l'intérieur. C'est la surface qu'on veut bien cuire. C'est ça. Le steak haché, c'est différent. Le steak haché, c'est différent. Donc, à ce moment-là, on a broyé la viande et il y a la viande de l'extérieur qui se retrouve à l'intérieur. C'est pas le cas avec un steak. C'est ça. Donc, un thermomètre qu'on peut acheter dans des magasins de cuisine spécialisés peut faire le travail ici sans problème. Alors, deuxièmement, ce qu'on peut faire aussi, c'est qu'il faut savoir que les aromatiques polycycliques dont on parlait tout à l'heure, les molécules dangereuses, elles sont produites à partir de la viande de poulet et la viande rouge, mais il y en a beaucoup moins qui vont être produites à partir des légumes. Donc, on peut remplacer une grande quantité de viande par des légumes sur le barbecue qui vont quand même développer un goût de barbecue très, très savoureux. Troisièmement, on peut aussi utiliser des marinades qui vont ralentir la production de molécules toxiques. On a parlé tout à l'heure que la réaction de Maillard était ralentie par l'acide. Donc, ça va être le cas dans ce cas-ci aussi pour la production de molécules toxiques. Et autre chose à mentionner, peut-être le quatrième point, si votre viande a été cuite à très haute température et qu'elle s'est fait lécher par les flammes et que vous avez vraiment une partie carbonisée, enlevez-la, simplement. Enlevez-la. Donc, vous allez enlever une grande partie des molécules dangereuses. Puis finalement, une dernière solution peut-être assez simple, vous pouvez maintenant vous-même aller acheter des sauces ou des emballages qui vont contenir des molécules que les chimistes ont produites en laboratoire qui donnent le goût du barbecue, ce qui évite de produire des molécules toxiques. Ceci dit, si vous voulez mon avis, rien vaut un bon barbecue fait avec amour, attention et connaissance de la chimie. Effectivement. Alors, merci beaucoup, Jean-Daniel. On est maintenant fin prêt pour réussir nos barbecues cet été, tout en minimisant les risques. Oui, absolument. Alors, bon été. Bon été, toi aussi, François.